Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonjour à vous tous, puis bienvenue à cette conférence de Daniel Gamme sur la subjectivité et l'objectivité. En soi, on a un sujet qui est un peu, je dirais, difficile, tu sais, Barbare. Barbare, même, c'est encore le mot exact. Dans le fond, avec un sujet comme ça, disons, là, lorsqu'on aborde un sujet comme ça, je pense que les premières questions qu'on peut se poser, c'est... Bon, mettons qu'on fouillerait dans le dictionnaire, je veux dire, le mot subjectivité, ça veut dire que ça concerne plus le sujet, tandis que objectiver, ça veut dire prendre une certaine distance, comme fixer dans le temps quelque chose pour pouvoir l'analyser. Mais est-ce que l'homme, tranquillement dans son évolution, va avoir à éliminer la subjectivité de sa vie? Lentement, la subjectivité va devoir s'éliminer parce qu'elle sera toujours contredite par ce qui est objectif. Mais le problème, simplement, c'est que le sujet même, disons, de la conférence de ce soir, c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il a attrait à l'illusion qui mène l'homme et à la réalité dans laquelle l'illusion mène l'homme. C'est-à-dire qu'on a comme base une réalité et l'homme met les deux pieds sur la réalité et porte ses yeux dans l'illusion au lieu de voir là où elle est la réalité. C'est-à-dire que si on est concret ou si on est abstrait, si on est en relation avec ce qui est réel ou si on est en relation avec l'idée de ce qui est réel, le titre, disons que c'est un titre assez barbare, c'est un titre complexe, le sujet est extrêmement important, par contre, le titre lui-même, disons, ne donnait pas, fallait, comme tu dis, quasiment regarder dans un dictionnaire pour savoir un peu quel serait le sujet de la conférence de ce soir. Ce qui arrive, c'est que l'objectivité, c'est lorsque on part comme fondement de notre vision un objet. Et une subjectivité a rapport au sujet qui observe l'objet. Et lorsque l'on fonde nos conceptions, nos visions ou notre vie, à partir du sujet, donc de nous-mêmes qui observons, on ne peut pas connaître la réalité. Et si l'on fonde, par contre, tous les mécanismes de notre évolution sur l'objet regardé et non pas sur le sujet qui regarde, on a beaucoup plus de chances d'arriver à voir la réalité. Qu'est-ce que c'est que être objectif? C'est un peu comme être concret, c'est-à-dire que être objectif, cela veut dire que nous observons les choses telles qu'elles sont, sans les colorer avec notre expérience à nous-mêmes. Et être subjectif, cela veut dire voir la chose à travers tout nous-mêmes. Et ce qui est complètement différent, et la majorité des êtres humains sont subjectifs. Une personne croit avoir un esprit, par exemple, objectif. Elle croit raisonner d'une façon objective, elle croit être en relation avec la réalité, mais en réalité, elle est en relation avec sa réalité. L'idée même de base du subjectivisme, c'est que ce qui est réel est ce qui est perçu par la personne. Mais dans la réalité des choses, ce qui est réel est la chose que l'on perçoit et non pas la manière qu'elle est perçue. C'est-à-dire que une chose peut être belle, une chose peut être laide. Ça, c'est du subjectif. Parce que ça dépend des deux sujets. Une personne regarde quelque chose, il le trouve beau. Une autre personne regarde la même chose, elle le trouve laide. Une autre personne le regarde et elle s'en fout. Ce n'est pas être objectif. Pourquoi? Parce que l'objet lui-même est là, il est là. Une rose n'est pas là pour qu'on la sente. Une personne qui marche à côté d'une rose et qui ne la sent pas, la rose a quand même un parfum. C'est objectif. Par contre, si une personne se sent obligée de sentir ou se sent obligée d'écouter la mer sur le bord d'une plage, elle est plutôt dans un monde subjectif. Si elle dit « c'est extraordinaire », c'est vrai que c'est extraordinaire. Et l'illusion n'empêche pas cette illusion d'être une réalité. Et c'est là le problème, c'est que même si une chose est subjective, c'est objectif pour la personne qui la vit. Mais c'est subjectif pour une autre personne, c'est-à-dire que on retouche la relativité, cela dépend des personnes. Si on veut que notre subjectivité devienne objective, on doit ne plus être subjectif ou tout le monde être programmé de la même manière. Pour que tout le monde, nous puissions tous voir la chose, une chose de la même manière. Et pour nous, on va dire c'est objectif étant donné que c'est la même chose pour tout le monde. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que chaque personne, évidemment, est programmée différemment, c'est-à-dire qu'elle a une éducation qui lui est propre, elle a un vécu, donc une expérience qui lui est propre, elle a aussi une déficience ou une efficience sensorielle qui lui est propre. Donc, à partir de tous ces mécanismes, ce qu'elle perçoit de la réalité, si elle l'accrédite comme étant la chose authentiquement perçue, elle est dans un monde d'illusions. Un monde d'illusions qui sera authentiquement réel pour elle, mais qui sera en réalité faux pour un autre. Donc, la personne est subjective. Il est évident que nous pouvons parler de subjectivité lorsque nous allons observer, par exemple, le cadre d'une société. C'est-à-dire que si la masse voit quelque chose d'une telle manière, c'est objectif. Et la minorité, les marginaux, vont être subjectifs par rapport à la masse. Normalement, tout le monde, nous percevons les sons similairement pareils. Nous voyons les couleurs plus ou moins pareilles, du moins c'est ce que nous croyons. Parce qu'en réalité, si ça ici c'est bleu, pour moi, mais que moi j'ai toujours vu cette couleur-là bleue et qu'on m'a enseigné que ça s'appelait par exemple rouge, ben quand je vois la couleur bleue, ben je dis c'est rouge. Et toi qui vois la même couleur vert, tu as aussi appris à appeler ça rouge. Donc, tu dis rouge. Mais qu'est-ce qu'on voit chacun chez soi par rapport à ce qui est perçu, à la chose observée? Alors, ce qui fait que être objectif, c'est de ne pas se fier, de ne pas laisser colorer notre perception par notre expérience. Évidemment, cela est compliqué. L'homme, de toute façon, vit toujours dans un cadre qui ne peut pas être expérimenté à 100%, c'est-à-dire que l'homme peut se rapprocher de la réalité, d'une perception de la réalité, mais l'homme aura toujours une idée de la réalité. Cette idée de la réalité sera de plus en plus près de la réalité, d'autant plus qu'on aura ôté de cette vision ou de cette idée de la réalité toutes les formes de coloration qui viennent de l'être, qui expérimente, qui décide de ce que devrait être la réalité. Être subjectif, cela veut dire, premièrement, que nous pouvons observer des choses qui sont belles et des choses qui ne sont moins belles. Donc, nous avons un monde duel, un monde divisé en deux, et dans ce monde divisé en deux, on a plusieurs autres divisions, ce qui fait qu'on a un monde pluralitaire. Dans l'objectivité, on a un monde unitaire, unique. Et le fait d'être objectif n'empêche pas l'homme objectif d'aimer quelque chose, même si dans l'acte d'aimer quelque chose, il est régi par la subjectivité. Lorsque j'aime quelque chose, c'est que la chose vient m'influencer d'une façon qui me plaît. Lorsque j'observe la photographie de quelque chose, cette photo, si elle vient me faire vibrer selon, disons, une forme vibratoire qui me plaît, j'aime la photo. C'est-à-dire que, vu qu'elle me rapporte, je veux la posséder. Mais je suis subjectif, évidemment. Pourquoi? Parce que la photo, je ne la regarde pas comme elle est, je la regarde à partir de ce qu'elle suscite en moi. Et l'homme est subjectif parce qu'il ne peut pas faire pour l'instant autrement que d'observer l'extérieur à partir de ce que l'extérieur suscite en lui. Et plus l'homme va acquérir de l'expérience, plus l'homme va être subjectif. Et c'est être subjectif de penser pouvoir être objectif. Par contre, c'est intelligent de penser à l'objectivité, c'est-à-dire que l'homme, dans sa conscientisation, donc dans son évolution, dans son cheminement, l'homme va finir par se rendre compte que dans ce qu'il perçoit, c'est-à-dire donc dans la chose perçue mélangée avec ce qu'elle stimule en lui, il y a toujours un entachement, il y a toujours un attachement et il y a aussi des déceptions. L'homme qui est subjectif, donc l'homme, disons, conventionnel, c'est-à-dire la masse planétaire, qui vit l'extérieur à partir de ce que l'extérieur suscite en elle, ne peut pas faire autrement que d'essayer de connaître la réalité sans jamais être capable de la percer, la réalité, parce que la réalité, elle est détachée de ce qu'elle suscite chez quelqu'un. Je suis objectif et je compte une histoire qui... connaissant la subjectivité psychologique de la population, je compte une histoire qui va les amener à pleurer. Alors, je peux faire un film, je peux conter une histoire vécue ou en inventer une. Mais étant donné que là, chaque personne va percevoir mon histoire, la forme orale, les mots, selon ce que ces mots vont aller créer chez elle, chacun va vivre une histoire légèrement différente, c'est la subjectivité, mais je sais quand même que la subjectivité humaine, elle est dans un cadre très particulier que l'on appelle la psychologie, que l'on peut appeler l'émotion, les désirs, les peurs, les craintes. Donc, je suis objectif si je suis capable de me rendre compte que la subjectivité, elle est là. Et si je peux arriver à la cerner d'une façon telle que je peux m'en servir pour arriver dans cette subjectivité de l'homme à manipuler la subjectivité psychologique de l'homme de façon à ce qu'il puisse se rapprocher de l'objectivité. Et évidemment, c'est compliqué ce que je dis là. Tu devrais avoir une question certaine à poser. Dans le genre, j'ai rien compris pour comment. Ben, j'en remarque, mettons, tu parles dans un radar, tu te fais arrêter par la police. Ça, c'est objectif, tu sais. Lui, il dit, écoute, t'es là 70 000 à l'heure. Toi, tu vas dire, ben non, je lance 50, tu sais. Toi, t'es subjectif, mais lui, il est objectif. Par contre, je me rappelle quand j'étais dans l'enseignement, à un moment donné, j'ai vu, à un moment donné, des élèves se faire couler à 59%. Tu disais au prof, ben oui, mais qu'est-ce qu'il te fait dire? Oui, mais je suis objectif, moi. Oui, mais, mais j'ai une méthode scientifique, tu sais. Mais as-tu une méthode scientifique qui se trompe même pas d'1%, tu sais? Oui, mais ça ce va qui pas arrive, jusque-là. C'est ça, c'est que lorsque l'on apprend quelque chose qui nous paraît plus intelligent, plus divin, plus logique, plus n'importe quoi, automatiquement, l'ego essaie de se servir de ces phénomènes-là pour s'excuser, pour se monter, pour s'énergiser, pour se grimper. Être sûr d'être sûr, c'est beau. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, être sûr d'être sûr, c'est plus beau. Parce qu'on l'a tellement dit que l'homme qui était certain pouvait payer pour, il fallait être sûr d'être sûr. On l'a tellement dit que maintenant, la psychologie de l'homme fait dire à l'homme, « Oh, moi, je suis sûr d'être sûr. » Puis ils savent pas pantoute. Alors, ce qui fait que maintenant, il faut être sûr d'être sûr d'être sûr, etc. Alors, je suis objectif. T'es snob. T'es pas objectif. Ou tu te prends pour un autre, ou encore, tu essaies simplement de dire que ta psychologie émotive, elle fonctionne comme un ordinateur. Ce qui est totalement faux, parce que tu avais juste à regarder ton prof objectif, puis à l'envoyer aux toilettes, hein, ou à lui dire simplement que pour un gars objectif, il y avait un drôle de nez, puis tu aurais vu immédiatement que l'objectivité serait transformée en subjectivité. Ce que tu as dit là, ça n'aurait pas été analysé par sa méthode scientifique, parce que un mot, c'est un mot. Hein? Et le fait que tu le dis, change rien à ce que tu penses. Pas parce que tu le dis que je dois me sentir en colère, parce que tu le pensais même si tu le disais pas. D'ailleurs, on a des personnes qui jouent très bien avec ce mécanisme, qui préfèrent vous engueuler à même si vous ne l'avez pas dit, parce qu'ils sont sûrs que vous le pensez. Hein? Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui finit par se protéger avec ces mots-là, elle reste dans la subjectivité. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai bien précisé que l'homme ne peut pas devenir totalement objectif, du moins pas l'homme psychologique. Il pourra tendre à l'objectivité en éliminant sa relation entre ce qu'il perçoit et ce qui est stimulé en lui. Lorsque je contemple ma vie, lorsque je m'éloigne de moi-même, lorsque je peux voir de ma mémoire le passé, disons de ma naissance aller jusqu'à maintenant, et que j'essaie d'observer objectivement ce phénomène, ben je peux pas rien voir. Je peux pas rien voir, pourquoi? Je peux pas dire que je me suis amélioré, parce que c'est par comparaison à un certain concept que je vise un objectif, un but. Mais même si c'est un objectif, je ne suis pas objectif. Alors, ce qui fait que si je suis objectif, et si je veux étudier ma vie, voir mon changement, voir mes transformations, en étant objectif, je ne verrai rien d'autre qu'une parcelle d'être humain qui a vécu et qui a fait ce qu'elle a fait. Mais par rapport à quelque chose, j'ai évolué. Par rapport à quelque chose d'autre, j'ai évolué. Par rapport à quelque chose d'autre, je n'ai pas changé. L'homme qui s'observe est subjectif parce que l'image qu'il a de lui crée en lui quelque chose. C'est-à-dire que l'homme subjectif a l'idée, a une idée de ce que devrait être l'objet, ce qui devrait être objectif. Donc, il a une idée de ce que devrait être la réalité. Et l'homme essaie de découvrir la réalité selon son affinité avec l'idée qu'il a, lui, de la réalité. Tu as une chandelle, et ça, c'est la majorité des êtres humains, ils ne peuvent pas voir, tu as une chandelle, et tu la places sur une table et tu passes ton temps à prier pour que le jour vienne. Le jour est arrivé et tu demandes encore du feu pour continuer à prier pour que le jour vienne. L'homme subjectif a une idée et cette idée, c'est sa mort. C'est sûr que la personne qui n'a pas d'idée de prime abord n'est pas plus intelligente que la personne qui a des idées. Le foutu mécanisme de l'évolution de l'homme, c'est un mécanisme d'énergisation et non pas un mécanisme d'apprentissage, d'expérimentation. L'homme doit augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire que lorsque votre corps physique a un taux vibratoire bas, donc votre corps vital a un taux vibratoire bas, autrement dit que vous êtes fatigué, votre corps vital, ce qui anime votre vie, ce qui anime votre corps physique, va puiser son énergie dans la psychologie. Et automatiquement, si on a un corps fatigué, on a aussi une psychologie beaucoup plus énervée, colérique, stimulante, c'est-à-dire qu'elle peut être stimulable, pardon, et on a une baisse d'énergie. Donc, on va exprimer des émotions énergétiques beaucoup plus basses, comme la colère, comme le stress, comme le sursaut, la peur. Et si on a une entité physique en parfaite fonction, une énergie vitale bien énergisée, on est calme, on est capable d'en prendre. Tu as déjà été professeur, donc dans cet état, tu es capable d'accepter un peu plus de choses dans la classe que si tu rentres fatigué pour enseigner. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme ne doit pas évoluer pour comprendre. Mais c'est que l'homme doit comprendre pour évoluer. C'est ça qui est le problème. Alors, donc, si tu as l'idée de quelque chose, tu as simplement une énergie qui te permet d'entrevoir par l'idée que telle probabilité est une probabilité. Donc, peut exister. Mais l'idée, ce qu'elle fait, c'est lorsque l'homme qui, par l'idée, entrevoit la réalité, décide de s'attacher à l'idée plutôt qu'à la réalité. Et c'est là le problème. Regardons juste un exemple assez évident. La majorité des personnes qui regardent la télévision, voient ou qui vont au cinéma, vont voir, par exemple, des films d'aventure. Mais ils ont peur d'aller camper. J'ai été dernièrement dans une petite jungle des États-Unis, dans les Everglades, avec des personnes qui sont férues d'émissions ou de films comme Indiana Jones ou des films qui se passent dans la jungle, des films d'aventure. Mais le moindrement qu'on disait, il y a ici possiblement des serpents, ah là, c'était dans les autos, il fallait que ça s'en aille. Puis c'était réellement pas de la panique, mais c'était tout proche. Alors, à un moment donné, on voit une grosse araignée, je leur montre l'araignée, personne ne la voyait, alors il a même fallu que je la bouge la toile avec une brindille. Et puis là, on a vu l'araignée. Et puis l'araignée, ben là, c'était plus là, tout le monde fouillait partout, il y en avait plein partout. Être subjectif, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu as l'idée de la réalité et tu te complais dans l'idée. Mais tu n'as pas besoin d'expérimenter la réalité parce que c'est suffisamment énergisant pour ta psychologie, l'idée de la réalité. Une tarentule, c'est pas dangereux. Une mégale non plus. C'est sûr que si tu t'assis les deux fesses dessus, il peut y avoir certains problèmes, à moins que tu pèses assez. Mais sinon, il n'y a pas de danger. Vois-tu, dans les populations sous-développées qui vivent dans la jungle et qui ont vaguement entendu parler du Canada, ils savent très bien que c'est invivable ici. Parce que premièrement, on a un hiver où il peut tomber 8, 9, 10 pieds de neige. Alors, ouvrir ta porte un matin, puis t'as 10 pieds de neige qui l'empêche d'ouvrir, tu vis pas, là. En plus, on sait très bien, parce qu'on a vu des films, que les loups attaquent l'homme en meute. Ça attaque même des campements puis des villages. Alors, ce qui fait que c'est réellement extrêmement dangereux. Un jaguar, tu fais bœuf puis ça se sauve. Les ours, c'est immense, c'est dangereux. On a vu des ours grizzly, on a vu un ours kodiak à un moment donné dans un certain film qui arrachait à peu près tout, qui a même défait un hélicoptère en morceaux. Puis une chance que le gars avait un bazooka pour tuer l'ours. Alors, c'est beaucoup plus facile avec un scorpion. Tu le prends avec une brindille, tu le mets dans le feu, puis ça finit là. Et ces populations-là ont réellement une peur superstitieuse, une peur vraiment freinante de venir dans notre pays. De toute façon, ils n'ont pas l'argent, mais j'ai déjà jasé avec ces personnes-là, puis c'est incroyable. Et si on parle avec les personnes qui vivent au Québec d'aller dans ces pays-là, c'est le même mécanisme. On a une idée. Et c'est ça la subjectivité, c'est qu'on accorde une véracité à l'idée. L'idée, elle est vraie. Et l'idée, elle n'est pas vraie, l'idée. L'idée, c'est la représentation de la réalité. C'est une interprétation d'une réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Et l'objectivité, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer, Réussir, c'est être ici et maintenant. Cela veut dire être libéré du mécanisme du temps, donc de la mémoire et de la perception. C'est être, en relation avec une intelligence active, ce qu'on appelle l'énergie supramentale. Mais présentement, l'homme subjectif peut tendre à se rapprocher de l'objectivité, l'homme psychologique, et cette tentative va l'amener à essayer, premièrement, de raffiner son langage, c'est-à-dire de raffiner ses idées. Le langage ajuste la pensée, et la pensée, c'est l'interprétation dans la conscience de l'homme de son degré d'énergie évolutive. Si tu as suffisamment d'énergie, tu comprends différemment certaines choses. Et l'énergie qui t'anime, l'énergie de tout ton être-té, fait aussi en sorte qu'elle, disons, subjectivement, qu'elle te déplace d'un point à un autre. Donc, selon ton énergie, tu auras une vue qui sera en rapport avec le point de ta vision. C'est aussi un mécanisme de relativité. C'est-à-dire que chacun a son point de vue. C'est quoi son point de vue? Cela veut dire que tout le monde regarde la même chose d'un endroit différent, d'un endroit psychologique différent. Donc, on regarde la même chose et on va s'astiner sur notre point de vue. Ou encore, on va dire, en fin de compte, c'est ton point de vue, fait que tu peux bien le garder. Mais on exprime par là un mécanisme réel, mais sans vouloir le comprendre, parce que c'est l'ego qui essaie de se protéger à partir du point de vue. Si je regarde cette cruche, j'ai un point de vue. Et tu as un point de vue. Donc, nous voyons une chose qui est réelle selon un point de vue. Mais si mon point de vue, la partie que je vois, je l'authentifie comme étant le tout, donc la cruche au complet, je vais t'estimer qu'il n'y a pas de marque. Et toi, si tu vois une marque sur ton côté, c'est ton point de vue. Nous voyons la même chose selon nos points de vue et la subjectivité de l'homme va faire en sorte que l'homme va accréditer, c'est-à-dire que l'homme va authentifier comme étant la réalité ce qu'il perçoit. Et ça, c'est un mécanisme orgueilleux. C'est l'orgueil de l'homme qui fait en sorte que ce que lui voit est automatiquement vrai. Et cet orgueil subjectif finit par pousser l'homme à vouloir convertir, convaincre, amener les autres sur leur point de vue. Mais si on a une humanité qui observe un mécanisme sous différents points de vue, on devrait être capable, si on laisse tomber notre subjectivité et évidemment le frein à l'évolution, l'orgueil, d'être capable de réussir à réunir les morceaux du casse-tête de la réalité. Donc, on finirait par avoir une vue d'ensemble en trois dimensions de ce pot. Et on ne s'astinerait plus, on apprendrait à chacun. Mais je répète que l'évolution de l'homme n'est pas liée à sa compréhension, elle est liée à son degré de vibration. L'évolution de la psychologie astrale de l'homme, c'est-à-dire l'évolution, par exemple, de l'émotion humaine, est reliée à sa vibration. Vous savez que l'homme emploie un langage qui essaie d'interpréter l'énergie qu'il a dans sa conscience. J'ai déjà dit que lorsque l'homme parle, l'homme n'a pas un paquet de mots, puis il ne fouille pas dans des tiroirs à sortir les mots. Les mots viennent s'assujettir, ils sont créés, ils sont placés bout à bout pour communiquer quoi? Votre pensée. Qu'est-ce que c'est votre pensée? C'est pas des mots. Les mots essaient de communiquer l'énergie qu'on appelle la pensée. Les mots interprètent la pensée de l'homme. Mais les mots ne sont pas la pensée de l'homme. La pensée de l'homme ne peut pas être comprise par l'homme. Elle ne peut pas être cernée par la conscience de l'homme. Parce que la pensée de l'homme, c'est aussi son niveau de conscience. Et ce niveau de conscience ne peut se percevoir, lui, par rapport à lui. Ce niveau de conscience ne peut se connaître, se percevoir que par rapport à son expression, donc par rapport à ses mots, c'est-à-dire à ce qu'il dit. Et nous comprenons la pensée d'autrui à partir de ce qu'il dit, de ce que nous entendons et de ce que ces mots viennent susciter, viennent créer chez nous. Ce qui fait que de penser que toi tu penses ça, c'est d'être subjectif parce que déjà que tu n'as pas exprimé réellement l'énergie de ta pensée, de ta conscience, et en plus moi je n'ai pas pu, j'ai interprété ton langage pour pouvoir essayer de comprendre. L'homme ne peut pas comprendre sa pensée, l'homme ne peut pas connaître sa pensée, l'homme ne peut qu'exprimer sa pensée. Et l'homme ne connaît sa pensée qu'à partir de ce qu'il exprime de sa pensée. Ce qui est un bon moyen de mesurer, de jauger la pensée, mais cela n'a rien à voir avec l'état réel de la pensée de la personne qui parle. La personne qui parle a automatiquement un niveau de pensée supérieur à ce qu'elle dit. Mais elle est limitée par sa connaissance du langage, elle est limitée par des mécanismes neurologiques qui vont faire en sorte qu'elle devra parler plus lentement, ou elle devra bégayer, ou elle devra, etc. Évidemment, on a la psychologie qui peut intervenir. Elle est limitée aussi par le langage qu'elle emploie. Si nous sommes tous télépathes, automatiquement, à l'instant, donc dans l'instant présent, dans l'instantanéité, ce que je pense, vous le pensez. Donc, énergétiquement, c'est la même chose. Mais tu ne percevras pas mon langage télépathique comme étant un langage oral. Tu n'auras même pas besoin de mettre en mots ce que je pense, car tu le penseras. Et si tu le mets en mots, tu pourras dire que c'est ta pensée. Et nous avons pensé à la même chose en même temps. L'homme subjectif attache de l'importance à ce qu'il perçoit de la réalité et il comprend que cette perception est la réalité. Alors que, en vérité, la réalité est une chose qui ne peut pas être connue par l'homme, qui ne peut qu'être perçue par l'homme, et étant perçue par l'homme, c'est une interprétation de cette réalité, donc de cette chose objective. Se rapprocher de l'objectivité, c'est essayer d'éliminer au maximum tous les mécanismes émotifs dans la perception comme dans l'expression. Si je suis objectif, j'essaie donc, ou je ne suis plus émotif, dans ma perception ni dans mon expression. Mais je peux être émotif au niveau de mes propres corps, au niveau de moi-même. Mais je ne suis plus obligé, je ne suis plus assujetti à percevoir à travers un filtre coloré par l'émotion. Parce qu'il y a une forme, je veux dire, si on prend ton exemple, moi je vois l'anse ici, c'est parce qu'il y a une forme sur le plan matériel, je veux dire, aussitôt que le plan matériel disparaît, la subjectivité puis l'objectivité, là, cette séparation-là disparaît également, parce que si on regarde dans l'énergétique chinoise, le signe, là, je veux dire, à un moment donné, ils vont dire le ciel est yang, mais par contre, l'énergie qui descend est yin, ou la terre est yin, mais l'énergie qui monte est yang. Donc, il y a comme un mouvement continu là-dedans. Il n'y a plus d'objectivité puis de subjectivité. Là. C'est qu'il y a une perception par l'homme. Au niveau du plan de la matière, il y aura toujours une espèce de dualité. C'est-à-dire que cette dualité, elle est expérimentée par un être, un homme, par un être évolutionnaire, un être psychologique surtout, qui est obligé de matérialiser ses énergies pour arriver à savoir qu'il est là. Si vous ne souffrez pas, si vous n'avez pas de plaisir, si vous n'êtes pas distrait, si vous n'êtes pas achalé, si vous n'êtes pas à un moment donné écœuré de quelque chose, ben vous ne pouvez pas savoir que vous vivez. L'homme, on est obligé, et d'ailleurs la vie le fait, l'homme lui-même le fait, l'homme est obligé de se faire mal à une jambe pour découvrir qu'il a une jambe. L'homme est obligé de matérialiser sa connaissance pour se rendre compte qu'il est là. Mais ça, c'est un jeu égoïque. C'est l'ego qui recherche une identification à lui-même et qui est obligé, pour savoir qu'il est là, de créer un cadre. On l'a vu de toute façon dans plusieurs conférences. Et, en l'occurrence, la pensée de l'homme est obligée d'apparaître sous une forme. Et la forme, c'est une interprétation d'une réalité. La réalité n'a pas de forme. Mais l'homme la rend formelle, l'homme lui donne une forme et l'homme accrédite cette forme. Lorsque vous pensez, présentement, certains d'entre vous pensent, pour savoir que vous pensez, vous êtes obligé de mettre un mot, c'est une forme. Et c'est matériel, un mot. C'est enregistrable. Vous êtes obligé de dessiner quelque chose, c'est une forme. De colorer, c'est une forme. Sinon, comment pouvez-vous savoir que vous pensez? Si vous ne savez pas vous penser, est-ce que vous pensez quand même? L'homme pense continuellement, même si ce n'est pas rendu matériel, c'est-à-dire même si ce n'est pas en mots. Parce que si je vous pose une question, vous pouvez répondre immédiatement. Vous n'avez pas été obligé de répéter la question, de réfléchir à la réponse nécessairement. Et lorsque l'homme s'évertue à descendre dans la matière sa réflexion, donc à savoir qu'il pense, puis qu'il réfléchit, puis qu'il médite, là, bien l'homme perd de l'énergie, l'homme se fatigue, l'homme s'épuise, l'homme peut aussi avoir mal à la tête, qui est une forme de stress. Donc, l'homme qui prend la pensée, l'énergie de la pensée, et qui la met dans la matière, alors il faut que j'aille là-bas, enfin, il joue aux échecs. Bon, ben là, il a mis ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais on a des personnes qui jouent aux échecs, qui jouent drôlement plus rapidement, puis qui perdent pas plus souvent que ça. Lorsque l'homme a besoin de matérialiser son cheminement, il ralentit le cheminement de la pensée. Mais l'homme est obligé de matérialiser, donc de rendre matière, sa pensée pour savoir qu'elle est là. Donc, l'ego a l'impression qu'il existe parce qu'il se perçoit. La subjectivité, c'est toujours, toujours, toujours relié à l'ego. C'est toujours relié à l'expérience. C'est-à-dire que plus tu as d'expérience, plus tu vois l'extérieur à partir de l'expérience. Donc, qu'est-ce que c'est voir l'extérieur à partir de l'expérience? C'est que je ne me fous de l'extérieur. Tout ce que je veux, c'est que j'observe simplement ce que l'extérieur crée en moi. Et selon mon expérience, je limite certaines réactions, comme j'amplifie d'autres réactions. Alors moi, je ne veux pas voir la réalité. Je veux écouter voir qu'est-ce qui se passe derrière la porte de ma chambre. J'entends un grognement, j'observe ce qui se passe en moi, et ce qui se passe en moi est ce qu'il y a de l'autre côté. Et si c'est amical, j'ai hâte. Si c'est épeurant, j'ai peur en maudit. L'homme qui expérimente, l'homme d'aujourd'hui, a un gros frein au niveau de son évolution, c'est qu'il se fout, mais c'est pas volontaire, mais il se fout de la réalité. Il ne veut vivre qu'à partir de ce qu'il connaît, donc de l'expérience de la réalité, de l'interprétation de la réalité. Donc l'homme se voue à être subjectif. Et ce n'est pas parce que, à un moment donné, on dit « je suis objectif » que ta subjectivité disparaît. Elle reste subjective. C'est pas parce qu'on met un mot que ça change grand-chose. Vous avez juste à dire que vous volez, et puis sortez par les fenêtres quand vous allez faire sortir d'ici, vous allez voir, vous ne volerez pas. Vous allez voler un bout de temps, mais pas longtemps. Alors, ce qui fait que le fait de dire « je suis objectif » ne change rien dans la réalité des choses. L'homme n'a plus besoin, et ça, c'est lamentable, ça va passer. L'homme est suffisamment intelligent et suffisamment donc énergivé pour que cela passe. Mais l'homme est, et c'est donc une situation lamentable, est en train de se créer un cadre complètement subjectif qui lui donne l'impression d'évolution, l'impression de sécurité, ce ne sont que des impressions, l'impression de plusieurs choses, et il se contente. Expérimenter quelque chose, cela veut dire vivre, donc traverser un événement avec tous ses corps, donc le corps physique, pas juste le corps psychologique, le corps astral, pas juste le corps mental. Cela veut dire, à travers un événement, expérimenter ou éprouver les quatre corps planétaires, donc le physique, le vital, l'astral et le mental. Et là, il y a donc expérimentation, c'est-à-dire que là, l'homme peut vérifier si ce qu'il a comme expérience ou comme croyance ou comme idéologie ou comme concept ou comme philosophie est en relation avec ce qui se passe réellement à l'extérieur de sa psychologie. L'homme qui veut donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une initiation, c'est le vécu. Mais si un jour, une personne qui... On a l'exemple simplement dans les cours de premiers soins. Une personne suit des cours de secourisme et par après, on lui demande, maintenant que tu en sais plus, comment vas-tu réagir si chez vous quelque chose arrive? Ah, ben là, il n'y a plus aucun problème, tout va être bien correct. Mais on sait, par expérience, que la majorité des personnes, tant qu'elles n'ont pas expérimenté, elles figent, même si elles ont la connaissance. Alors, la personne qui regarde les films comme La Guerre des Étoiles, ne recherche plus nécessairement l'évolution technologique. Elle n'a plus besoin de la rechercher parce qu'on peut la lui présenter toute faite. Et c'est ça la subjectivité, et c'est un des dangers de la subjectivité dans l'évolution de l'humanité. Si un jour on montre à l'humanité qu'on enseigne à l'humanité qu'on a maintenant de nouvelles techniques pour régler la faim dans le monde, il n'y a plus personne qui va s'intéresser à fournir les pays qui sont sous-développés. Parce qu'on va être bien convaincu que c'est beau. On n'a pas besoin d'expérimenter. L'homme ne veut pas vérifier une connaissance. La réincarnation, elle nous plaît, elle nous rassure. Et si nous savons que nous croyons à la réincarnation parce que cela nous rassure, cela nous permet de bien dormir le soir, bien, nous sommes un peu plus objectifs. Que si nous disons, ben oui, c'est vrai. Ça ne peut pas en être autrement. Là, on est subjectif, on n'a même plus besoin d'expérimenter. Et l'expérimentation est une chose qui est extrêmement vitale pour l'homme. Il doit expérimenter. Et d'ailleurs, la vie pousse les enfants à expérimenter et les parents qui recherchent la sécurité, c'est-à-dire que lorsque l'homme expérimente, à un moment donné, il finit par avoir suffisamment d'expérience pour se créer un cadre qui exclut l'expérimentation, enfin qui exclut du moins le désir d'expérimentation, la vie quand même les force expérimenter, et automatiquement, ces personnes ne veulent pas que leurs enfants expérimentent. Et elles ne veulent pas qu'elles souffrent. Pourquoi qu'ils font tout ça? Je leur ai dit, puis ils font pareil. Ils doivent expérimenter pour que cela devienne pour eux une réalité. Et cette réalité sera de toute façon une illusion, une subjectivité, et non pas une réalité, mais eux en seront plus proches, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus objectifs dans cette illusion que s'ils accréditent simplement ce que les adultes vont leur enseigner. L'expérimentation peut se faire de différentes façons. Ce n'est pas nécessaire, évidemment, d'aller au Bangladesh pour connaître la faim. Bon. Mais n'empêche que la personne qui, à un moment donné, finit par jouir de voir tout ce qui se passe, par exemple, à la télévision ou dans des films, elle n'a plus besoin de sortir de chez elle. Elle n'a plus besoin d'aller nulle part. Lorsqu'il fait noir, elle a peur, alors elle rentre chez elle et elle regarde un film où une personne est extrêmement puissante et lorsqu'elle se promène le soir, si elle se fait attaquer, elle se défend parce qu'elle a suivi des cours d'arts martiaux, puis les pires volent partout, puis on va être dans. Alors la personne, elle est sécure, elle est bien. Et un autre exemple de la mortalité, disons, la mortalité de l'accès à la réalité chez l'homme, c'est l'invention de plus en plus, disons, intellectuantes, des inventions réellement dramatiques de notre technologie, comme par exemple le promeneur ou le Walkman. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi que ça a une très grande vogue? C'est parce que justement, l'homme est subjectif. Les vidéos, les micro-ordinateurs, c'est quelque chose de très bon pour développer l'énergie mentale, mais pas pour te couper avec le reste de l'extérieur, avec le reste de la vie. Lorsque tu mets des écouteurs sur tes oreilles, tu te coupes de l'extérieur. Tu ne veux plus rien savoir de l'extérieur. Une personne qui met ça pour se relaxer, cela peut toujours aller. Mais entre se relaxer et se relaxer, ben, où elle est la marge? C'est la personne qui se relaxe qui va te la dire. Alors, celui qui se relaxe une heure par mois, c'est parfait. Celui qui se relaxe 24 heures par jour, c'est aussi parfait. Parce que c'est subjectif. Alors, ce qui arrive, c'est que maintenant, l'homme ne veut plus expérimenter. L'homme essaie de créer un cadre où il n'a plus de danger, où il a le plus de sécurité possible, une sécurité qu'il n'ira même pas éprouver. Il ne veut même pas savoir si sa sécurité, elle est vraie ou fausse. Du moment qu'il croit qu'elle est là, elle est là. Pour lui. Alors, la personne qui, par exemple, se met des écouteurs sur les oreilles, si elle se promène sur la rue n'existe plus. Si elle se promène dans la nature n'existe plus. Si elle est chez elle, ça n'existe plus non plus. Elle est coupée de l'extérieur. Elle ne veut plus que ses sens lui servent à entrer en contact avec une réalité. Elle veut que ses sens lui servent à jouir de ses idées de réalité. Alors, tu peux te construire un monde musical, tu peux te construire un monde visuel avec des aventures ou avec des films d'amour. Tu ne connaîtras jamais l'amour, tu ne veux pas connaître l'amour parce que tu le connais suffisamment pour toi en observant des films d'amour. Tu ne veux pas connaître le sexe parce qu'en regardant des films de sexe, tu le connais suffisamment le sexe. Tu jouis juste à voir, tu n'as plus besoin d'expérimenter. Et évidemment, la personne qui n'est pas encore rendue à ce stage de subjectivité peut dire, ben non, c'est pas tout à fait vrai. Mais je ne parle pas non plus pour celui pour qui ce n'est pas vrai. Mais c'est de plus en plus vrai à l'extérieur. Et c'est même de plus en plus vrai, même dans le domaine de la psychologie ou de l'ésotérisme. On recherche l'initiation qui dure 5 minutes et auquel on donne un diplôme à la fin. Mais on ne recherche pas l'initiation qui vient. Je veux être initié. Tu vas être initié. Alors, à un moment donné, ben, tu as un accident de taux, c'est une initiation, c'est ce que la vie t'amène. Tu perds ton chien. Tu as une maladie vénérienne. Tu plusieurs phénomènes dans le genre. Et ce sont des initiations que la vie t'amène, mais là, tu ne les vois pas comme initiation, c'est pas ça que tu voulais avoir. Tu voulais avoir comme dans le film. Mais c'est ça un gros problème. L'homme est totalement subjectif, mais l'homme peut tendre à l'objectivité. Et évidemment, plus l'être se conscientise normalement, plus il tend vers l'objectivité, donc plus il s'éloigne de la subjectivité. Mais l'homme a, la masse a une grosse tendance parce que ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui se sert de la technologie ou de ce qui est technologiquement créé, mais c'est toujours son ego, sa psychologie. Tu as un micro-ordinateur chez toi et tu t'en sers pour créer, c'est parfait. Mais il faut que tu sortes de chez vous de temps en temps. Tu as un moniteur vidéo, c'est merveilleux. Tu vas te louer des films, tu en copies, tu en vends, tu fais ce que tu voudras avec, et tu ne fais que rester devant ton écran de télévision. Tu n'as plus besoin de camper. Pourquoi? Parce que tu te mets de l'encens X ou une petite huile naturelle dans ton humidificateur et tu peux regarder des paysages. Mais l'homme se refuse de plus en plus d'entrer en contact avec l'extérieur. Même ceux qui vont dans la nature amènent des phénomènes qui leur permettent d'ignorer la nature. Et ça, c'est la subjectivité. L'homme a toujours été subjectif, sauf que ce qui arrive, c'est que l'homme, présentement, a les possibilités énergétiques ou mentales d'être de plus en plus objectif, c'est-à-dire de voir la réalité comme elle est, et non pas de voir ce qu'il voudrait qu'elle soit. Et malgré que l'homme a de plus en plus de possibilités d'être objectif, il se crée de plus en plus d'instruments pour empêcher cette objectivité. À l'autre opposé de ça, j'osais avec quelqu'un justement à midi qui me disait, il dit, moi l'ésotérisme ça m'intéresse, mais il dit pas tout de suite parce que j'ai des problèmes financiers, j'ai des tas de choses à régler, donc il était quand même assez grondé, tu sais. Je remarque qu'il y a des personnes qui sont genre philosophes, genre psychologues, qui vont quand même avoir au moins un ami qui est bien bien structuré comme pour se objectiver leur vie. C'est quand même une étape qui est quand même sage dans un sens. Être objectif, c'est aussi être efficace. Évidemment, être efficace, c'est sage. Si on a comme concept de sagesse qu'être sage, c'est être efficace. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que la personne, de toute façon, nomme, montre-moi une personne qui n'est pas subjective dans son évolution et c'est une personne que tu devras peut-être écouter de temps en temps. La personne qui veut évoluer le veut à partir de conceptions qu'elle a elle-même de ce qu'elle est, elle, de ce qu'elle pourrait être, et surtout de ce qu'elle va gagner à être, cette nouvelle chose. Parce que l'homme ne veut pas évoluer parce que c'est intelligent de s'améliorer. L'homme veut évoluer parce que l'homme va bénéficier de quelque chose en évoluant. C'est pour ça que l'homme veut évoluer. Et c'est pour ça que chaque fois dans l'évolution de l'humanité, dans l'évolution de la planète, on a toujours fait miroiter des petits cadeaux à ceux qui évoluaient. Parce que l'homme ne veut pas évoluer parce qu'il en comprend l'écologie. L'homme veut évoluer parce qu'il voit un plaisir dans l'évolution, ou du moins une élimination des souffrances. Alors donc, l'homme qui veut évoluer, le philosophe ou le moraliste, ou celui qui est dans une secte, ou celui qui est religieux, bâtit toujours son chemin à partir d'un égrégore de plaisir, de... Même s'il appelle ça la foi, pourquoi l'homme veut avoir foi en quelque chose? Pour arrêter de se poser des questions. Il veut donc s'enfermer à l'extérieur. Et en arrêtant de se poser des questions, l'homme élimine donc le doute. Et le doute, chez une personne non suffisamment énergisée, non suffisamment prête, est synonyme de souffrance. Synonyme d'absence de sécurité. Donc de souffrance. Mais encore là, c'est une subjectivité psychologique. C'est l'être qui a été éduqué, on pourrait dire programmé, l'être qui a expérimenté dans une société préétablie, qui finit par voir la réalité, les mécanismes de l'évolution, comme étant des freins à l'évolution. L'homme qui recherche le paradis s'est souvent demandé, mais qu'est-ce que m'a fait une fois dans le paradis? M'as-tu joué de la harpe tout le temps? Qu'est-ce que je vais faire au paradis? À part tirer la chasse d'eau des nuages pour faire pleuvoir sur la terre. Qu'est-ce que je vais faire là? L'homme veut arriver à quelque chose où il n'aura plus de souffrance, mais à la condition de ne pas perdre ses plaisirs. Mais cette condition subjective de ne pas perdre ses plaisirs crée chez l'homme la peur de perdre ses plaisirs, donc amène automatiquement, par le désir de garder les plaisirs, la souffrance. Et lorsque l'homme n'a pas le plaisir, au lieu de voir ce qui est comme c'est, il voit ce qui est comme il veut voir. L'homme se dit que j'ai déjà été, je ne suis plus. Donc, il vit une perte d'énergie et l'homme s'attache donc au passé, à ce qu'il était, ce qu'il fait souffrir. Parce que ce qu'il était n'est plus dans la réalité, donc l'homme est insécure, l'homme broute, l'homme cherche. Il est évident qu'il y a certaines personnes qui, par ce désir psychologique de se rassurer, de s'améliorer pour plus de plaisir, ont augmenté le schéma, disons, la possibilité d'évolution sur la planète. C'est-à-dire qu'ils ont créé une technologie qui permet à l'homme de se libérer des contraintes matérielles. Ils ont créé, par exemple, une technologie qui permet à l'homme de guérir ses problèmes pathologiques. Ils ont créé des mécanismes qui permettent à l'homme d'instruire et d'enseigner. Ils ont créé plusieurs formes de mécanismes qui sont intelligents, mais qui, hélas, n'ont pas été créés parce qu'ils étaient intelligents, mais ils ont été créés parce qu'ils rassuraient. Et c'est là le foutu problème. Donc, même si le mécanisme est intelligent et qu'on envoie l'intelligence, il est rarement construit intelligemment. Parce qu'il est construit pour rassurer. Du moment que ça rassure, parfait. Évidemment, on a certaines rares personnes qui vont jouir d'améliorer. Chance. Parce que certains jouissent de créer, certains jouissent de détruire, certains jouissent d'utiliser ce qui est créé, certains jouissent de gueuler après ce qui est créé. Mais chacun est dans le même mécanisme. Mais chacun exprime cette énergie à sa façon, certains par la créativité. Mais rarement l'homme va désirer évoluer parce qu'il voit l'intelligence. D'ailleurs, il va commencer prochainement à voir l'intelligence de l'évolution, l'intelligence de l'amélioration. L'intelligence de payer des impôts, par exemple, mais l'intelligence de ne pas en payer non plus pour rien. Au lieu de critiquer, l'homme va voir l'intelligence de quelque chose. Lorsque l'homme était démuni, l'homme a été d'accord pour payer des impôts à un roi ou à un tyran parce que le tyran le protégeait avec ses armées. Et lorsque le tyran en a trop demandé ou lorsque les guerres ont passé de mode, que l'armée était inutile, ben là, le monde a commencé, encore une fois, à être insécure parce qu'il aurait préféré avoir plus d'argent pour continuer à s'amuser. Donc là, ils ne veulent plus payer d'impôts. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme ne fait rarement quelque chose par intelligence, mais il le fait presque exclusivement par émotion. Et donc, il le fait d'une façon subjective. Il voit à l'extérieur par rapport à ce que cela crée en lui. Alors, voulant transformer ce qui est créé en lui, ou voulant conserver ce qui est créé en lui, il s'adresse à l'extérieur et il essaie, en fonction de ça, de travailler avec l'extérieur. Au lieu de comprendre l'intelligence de l'extérieur par rapport à ce qui se passe chez lui. Alors, si je lance de l'eau, je viens pour te faire boire, et que chaque fois que tu me présentes le front, évidemment, tu as le visage tout mouillé. Alors, toi, tu vas essayer d'inventer une espèce d'appareil qui, lorsque cela t'amène sur le front, que l'eau coule de ta bouche. Au lieu de penser à essayer de t'ajuster pour présenter ta bouche. Et l'homme subjectif croit que l'extérieur n'est pas en accordé avec lui, croit que l'extérieur est en dissonance, alors qu'en réalité, l'extérieur, elle est rien d'autre que ce qu'elle est. J'ai déjà dit que l'homme était manipulé, mais qu'il n'y avait pas de manipulateur. Et ça, c'est le jeu même de la subjectivité. Tu es manipulé selon ce que tu désires être manipulé. « Oh, mais je veux plus être manipulé. »« Mais moi, te manipuler pareil. »« Non, tu es manipulé. » Parce que tu cries, tu réagis à des choses. Alors, l'homme, dans sa subjectivité, malgré qu'il apprend à cerner les mécanismes qui le régissent, les mécanismes qui surplombent son évolution, sa manipulation, malgré que l'homme apprend à voir, il se sert de ces choses comme expérience. À un moment donné, cette expérience va suffisamment énergiser son corps mental, donc son intelligence, pour qu'il arrive à percevoir, à comprendre et à prendre conscience. Ce sont des étapes. Et lorsque l'homme va prendre conscience de ce qu'est la subjectivité, de la réalité, de l'illusion, ben l'homme va être capable, lorsqu'il est dans cet état de conscience, de vivre sans subjectivité, même s'il comprendra l'écosystème psychologique des hommes qui vivent dans la subjectivité. Donc, l'homme mental, l'homme intelligent, saura quand même émettre des formes émotives lorsque l'écosystème psychologique des autres requiert ce genre d'énergie. L'homme saura être en relation beaucoup plus humaine, selon le concept de l'humanité, avec l'humanité que ce que l'humanité peut présentement arriver, y arriver. Pour contrer un peu ce danger-là, là, que de mettre entre soi et la réalité des ordinateurs, des vidéos, comme tu disais tantôt, est-ce qu'il y a dans le PMC des approches pour travailler ça, l'objectivité et la subjectivité? Disons que le meilleur mécanisme qu'une personne qui évolue ou encore qui est orateur ou qui donne des cours peut faire, c'est un mécanisme que l'on emploie souvent et qui est mal compris par ceux qui n'ont pas à le faire, c'est de créer des formes pour détruire les formes. De temps en temps, on attaque les formes déjà établies lorsque c'est intelligent de les attaquer, parce que chaque forme a une intelligence, elle a une utilité, tant qu'elle est utile. Alors donc, si on prend, tu me poses une question au niveau du programme de contrôleur, tout le long du cours, la personne, à son insu, verra des formes apparaître. Et à un moment donné, lorsque ce sera intelligent pour cette personne, la forme, elle est détruite. De cette façon, la personne, disons, sans trop de souffrance, mais par l'expérience, expérimente le mécanisme de la croyance, du savoir-savoir, d'être sûr, pour découvrir que, encore une fois, c'était un point de vue. Alors donc, on a un mécanisme qui, évidemment, permet à la personne d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'objectivité. Mais encore là, cela est dépendant de chaque personne. Cela dépend du départ de la personne, de ce que la personne veut faire, de ce que la personne vise. Ce n'est pas ma fonction à moi, ni celle d'ailleurs de ceux qui vont donner ce genre de cours, de mettre un objectif et de dire que tout le monde va se rendre à l'objectif. Moi, j'ai un objectif, pourquoi je fais le travail que je fais. Et chaque personne qui, par exemple, enseigne le PMC a un objectif propre, expérimenter l'enseignement. Et la classe même, ben le programme aide contrôleur a un objectif, c'est-à-dire qu'il en a trois bien définis. Mais à titre d'information, on les donne. Mais ce n'est pas nécessaire qu'une personne fasse le programme aide contrôleur pour s'en aller vers un de ses points. Ça serait de la subjectivité, encore une fois. Lorsque la personne comprend l'intelligence de ce qu'elle a à faire, elle y va. Et si, dans cette intelligence, c'est l'un des objectifs du programme de contrôleur, elle le fait. Mais il y a de l'intelligence ailleurs que dans le programme de contrôleur et ailleurs que dans les objectifs. C'est-à-dire que la personne, donc, qui spirituellement veut faire un cours comme le programme de contrôleur, elle n'ira pas très, très loin où elle devrait, à un moment donné, abandonner ses concepts spirituels. Parce que celui qui veut se transformer ne se transforme que lorsqu'il se transforme. C'est pas parce qu'il veut se transformer qu'il se transforme. Donc, la personne doit expérimenter. Et quand tu es occupé à expérimenter, parce que dans le cours, on a plusieurs trucs pratiques, lorsque tu es occupé à expérimenter, tu n'as plus le choix, il faut que tu oublies les concepts spirituels parce qu'il faut que tu mettes ton énergie dans ce que tu fais. Alors, ce qui fait que la personne, elle apprend de toute façon à vivre d'une façon objective, mais on reste toujours subjectif. Et cette façon objective n'est pas teintée par la couleur du PMC. Chacun a son intelligence et chacun, à un moment donné, doit finir par se voir lui, là où il est, à partir de lui, pas à partir de l'extérieur. Alors, ce qui fait que, je m'entends bien avec telle personne, mais j'ai le goût de faire telle chose. Est-ce que c'est intelligent de m'en aller demander? Tu vas simplement lui demander si, pour lui, c'est intelligent. Mais jamais tu vas te demander pour toi si c'est intelligent. Alors, moi, donner un conseil, par exemple, à quelqu'un, tu veux que je te dise, fais-le, tu vas voir si tu avais à le faire ou bien non, si tu n'avais pas à le faire. Mais il y a personne qui peut objectivement savoir pour un autre ce que l'autre a à faire. De toute manière, tu devras l'expérimenter, puis à un moment donné, lorsque tu l'auras suffisamment expérimenté, tu sauras toi-même si tu dois le faire ou non, ou si tu l'as fait, si tu devais le faire ou non. Sans te sentir coupable, évidemment. L'homme doit essayer les choses. Quand vous allez dans un restaurant, vous essayez un nouveau menu, ben vous essayez. Si c'est pas bon, vous vous dites, prochaine fois, je recommence pas. Mais essayez d'autres choses. Mais vous vous sentez pas coupable, vous allez pas vous faire pardonner à l'Église. Mais lorsque la personne tente une expérience dans son schéma d'évolution et que cela n'est pas satisfaisant pour elle, elle a tendance à se culpabiliser et à rechercher une compréhension chez autrui, ce qu'on appelait un pardon avant à l'Église. Si Dieu te comprend, t'es pardonné. Mais si l'homme te comprend, t'es pardonné aussi. Mais si tu te comprends, toi aussi, t'es pardonné. Alors, lorsque l'homme est suffisamment énergisé, lorsque l'homme est dans son énergie, donc lorsque l'homme est dans son intelligence, il ne peut pas être dans le mien. Et ça, c'est important. Et de toute manière, au niveau du PMC, il n'y a aucune personne qui peut, à un moment donné, venir nous têter des conseils en ce sens qu'elle veut bâtir sa vie à partir de ce que nous, on va dire ou à partir d'une idée du PMC. Une personne qui veut bâtir sa vie à partir du PMC, présentement, elle fait fausse route. Et si on en entend parler, ben, elle va le savoir. D'ailleurs, j'en profite un peu. Hein? Puis tu me poses cette question-là. Parce que c'est complètement stupide. Le programme être contrôleur a, évidemment, comme plusieurs programmes qui existent déjà au niveau de la psychologie, au niveau de plusieurs choses, comme fonction première, évidemment, d'essayer d'améliorer la condition de la personne. Il a ça comme résultat, en tout cas, mais c'est pas un but qu'on tient. Alors, la personne qui veut en faire une philosophie, m'a dit franchement, elle peut faire bien des choses avec le PMC, mais il faut pas qu'elle vienne nous le dire. Parce que sa philosophie, elle va se rendre compte qu'elle va être dangereuse pas mal pour elle. Elle risque de plus revenir, de toute façon. OK. Pour ces informations-là. À ce temps, si on dirait, pour faire une petite synthèse, est-ce qu'on peut dire, je penserais que non, mais je le demande pareil, est-ce qu'on peut dire que l'objectivité fera partie de l'évolution, comme la subjectivité de l'involution? Non, ça c'est tout à fait subjectif. C'est-à-dire simplement que il y a ce qu'il y a. L'homme évolue et l'homme n'a pas le choix d'évoluer. Et un jour, l'homme sera heureux malgré tout, même s'il ne veut pas tout à fait. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses objectives qui sont et qui seront. Mais qui seront, on s'en fout. Qui sont. Et l'homme qui n'a pas la possibilité de voir l'extérieur n'a pas le choix de ne pas le voir. Donc, il se crée l'extérieur. C'est la subjectivité. Et ce n'est pas un mécanisme d'involution. L'homme doit passer par là pour arriver à l'éliminer. Mais lorsqu'il l'aura éliminé, il aura été dynamisé par cette subjectivité. C'est pour ça tout à l'heure que je te disais qu'une personne qui n'a pas d'idées, ben elle est cinglée. Mais lorsqu'une personne a des idées, qu'elle a plus d'idées, qu'elle est subjective, qu'elle spécule, qu'elle arrive à se créer des philosophies, qu'elle magasine de religion en religion, qu'elle se promène partout, et à un moment donné, tout ce mécanisme expérientiel chez elle crée de l'énergie. L'expérience est de l'énergie, comme la pensée est de l'énergie. Ce n'est pas des mots. Et lorsqu'elle a suffisamment d'énergie, elle finit par s'adresser à son corps mental, son intelligence, l'intellect naissant qui devient par après l'intelligence, et elle commence à comprendre les mécanismes. Cette compréhension va encore créer, disons, une espèce de subjectivité. Mais lorsque la compréhension viendra s'accumuler, la personne pourra lentement s'éloigner de la subjectivité pour se rapprocher de l'objectivité. Elle n'a pas le choix. La subjectivité, ce n'est pas un mécanisme d'involution, c'est un mécanisme d'évolution. Mais de temps en temps, on accélère, façon de dire, le mécanisme du rapprochement vers l'objectivité, on en parle, hein? C'est-à-dire qu'on transmet des énergies en plus d'informations. Et lorsque la personne finit par être suffisamment énergisée, elle finira par arriver à être dans un état de conscience sur un plan planétaire ou dans certaines parties d'un certain plan. Et lorsque la personne sera dans un état de conscience, elle ne sera plus ni objective ni subjective. Par contre, elle sera conséquentielle et elle pourra travailler en fonction de ce qu'elle veut faire et surtout de ce qu'il y a à faire. Et de ce qu'il y a à faire, ce n'est pas partir d'une spiritualité, encore une fois. Ce sera simplement à partir d'un phénomène que nous appelons l'écologie. Donc, la personne sera conséquentielle et elle travaillera hors objectivité et hors subjectivité. Mais essaie d'en trouver un mécanisme d'involution sur la planète. Trouve-moi en un. Il y en a pas, je pense. Hein? Vois-tu, il y en a un qui peut, par rapport à toi, te baisser en vibration un peu, mais qui va, par contre, faire augmenter d'autres personnes. Mais un mécanisme réel qui plane sur la planète et qui n'a que comme fonction l'évolution de la planète. Faut que tu cherches loin en crime. Faut que tu rentres creux dans la subjectivité en maudit pour en trouver un. Mais qui n'aura pas nécessairement une consonance avec la réalité. L'homme évolue, l'homme s'amuse et l'homme se promène. Mais l'homme évolue toujours quand même. Il n'y a pas de mécanisme d'évolution. Il y a des mécanismes d'aberration. Et lorsque le mécanisme d'évolution devient un mécanisme d'aberration, il va devenir un mécanisme d'évolution. Pour toi. Mais pas pour l'extérieur. Et lorsque tout le monde a fini par grimper suffisamment haut pour se libérer d'un mécanisme particulier, le mécanisme n'existe plus. Il ne se promène pas sur la planète à la recherche de quelque chose. Le mécanisme d'évolution va se promener seulement s'il y a quelqu'un qui a deux jambes pour le promener avec lui. Et lorsqu'il y a une personne avec deux jambes pour le promener avec lui, elle fait évoluer la personne, c'est-à-dire qu'elle donne de l'expérience à la personne. On a plusieurs sectes, on a plusieurs mécanismes qui, présentement, donnent l'impression de nuire, mais ils donnent de l'expérience aux personnes. On n'a plus de cadre comme on a déjà eu pour permettre l'évolution, alors donc, il se passe des mécanismes qui obligent certains individus à expérimenter. Si tu n'es pas prêt, tu dois donc apprendre. Alors, tu te feras pogner dans un mécanisme particulier, dans une secte ou dans n'importe quoi, dans une conférence ésotérique. Tu te feras pogner. Et lorsque tu te seras fait pogner, tu finiras par t'en dépogner. Ce qu'on appelle l'expérience. Et cela, t'énergise. Il n'y a pas de mécanisme d'évolution. OK. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications.